C'est ridicule, c'est presque un drame. J'aime ma femme. J'aurais tant voulu, moi aussi, connaître enfin les jalousies et les tourments de l'adultère. J'aurais bien voulu changer d'air, changer d'itinéraire pour aller à Cythère. Moi qui prêche le libertinage, la débauche, le dévergondage, qui dit que dire je n'ai qu'un temps, qu'il faut profiter du printemps, laisser monter la sève, être sur toutes les lèvres. Je le reconnais à mon grand âme. J'aime ma femme. Et pourtant je fais des efforts, j'essaie de provoquer le sort, je m'expose sans précaution au feu roulant de Cupidon. Mais quelque chose m'empêche, je passe entre les flèches. Pourtant je ne suis pas un ours, je sors souvent pour faire ses courses et je regarde palpiter le prénom que porte encadré sur sa poitrine altière la gracieuse caissière. Et cependant, si je m'enflamme, c'est pour ma femme. Je tâche de n'être pas sage chaque fois que je fais le ménage. J'écoute d'une oreille coquine à la radio la belle speakerine dont la voix illumine la météo marine. Parfois, lorsque j'ai soin du linge, je me torture les méninges pour trouver une pensée impure. Je contemple la créature qui prend des poses lascives sur le paquet de lessive. Hélas, rien n'exalte mon âme, à part ma femme. Je cherche même dans la vaisselle des occasions d'être infidèle. Je forme une femme avec les bulles et je rêve que je l'embrasse. Je caresse les tasses, je lutine les spatules. Mon exemple s'est répandu parmi les ligues de vertu. Toutes les dames de charité m'invitent à partager leur thé. Je claque ma porte au nez de bonnes sœurs passionnées. C'est triste et bien que je m'en blâme. J'aime ma femme. Donc j'ai beau rêver, j'ai beau faire, c'est ma femme que je préfère. Sitôt qu'elle rentre du travail, je plante là tout mon attirail, tablier, balayette, et je cours lui faire fête. Je lui dis des vers de Verlaine, quand il le faut j'en compose même, et pour ressembler à Brando, je passe l'hiver en tricot pour je tolère sa maman, et j'apprécie ses amants. Mais moi je reste monogame, j'aime ta femme.